Et كذلك c'est une parole fausse, لأن التقوى لابد من عمل. الصلاة ça fait partie du taqwa. الحج ça fait partie du taqwa. الصيام ça fait partie du taqwa. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Tout ça, ça fait partie de التقوى. Donc résumer التقوى que par les œuvres du cœur, c'est pas من نهج أهل السنة والجماعة. قال فلا تقوى إلا بعمل ولا عمل إلا بتروج من العلم والاتباع. كذلك لعمل تي obligé d'avoir du ilm. Il y en a, comment tu vas appliquer une chose que tu ignores? Pour faire salat al-maghrib, on est obligé d'avoir des connaissances. Combien de raka'a? Dans quel lieu tu vas faire salat? Tu vas te diriger où? Comment tu vas faire l'odo? Qu'est-ce que tu vas réciter? Tout ça, il faut shay min al-ilm. Pour haqqaq cette taqwa, il faut du ilm. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. Rechercher la science, c'est une obligation pour chaque musulman. Al-ulama, ils expliquent ce hadith, c'est une obligation dans les choses. Al-tawhid, c'est obligé pour chacun de nous de faire des efforts. Comprendre al-tawhid, ne pas le contredire, l'appliquer. Al-salat, celui qui a de l'argent, al-zakah, celui qui a de l'argent, il a la capacité, al-hajj, al-siyam. Et les adorations qu'on a besoin, on doit avoir du ilm. Fi hada, hada c'est fardun ala al-jami'. قال رحمه الله ولا ينفع ذلك إلا بإخلاص لله. Tout ça, ça sera utile, et l'ilm, l'amal, etc. Tout ce qu'on a cité, qu'avec l'ikhlas. C'est pour ça qu'on étudie beaucoup de rasail fi tawhid. Lianna ce tawhid, c'est la base. S'il est bon, même si les amal, ils sont pas nombreux, inshallah, le peu que tu feras, ça sera bénéfique. Bien sûr, en faisant des efforts. Sans tawhid, même si l'a'mal elles sont kathira, et beaucoup d'œuvres sans tawhid, c'est pas accepté indallah. Qala jalla wa ala la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Celui qui fait du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala lui annule ses œuvres. Shirk al-akbar, al-murad huna, le grand shirk, Allah lui annule ses œuvres. Sa salat, son hajj, son siyam, son bon comportement, tout ça, c'est annulé indallah. Pourquoi? Li'annahu, il a fait une chose qui annule toutes ses œuvres. Donc on doit connaître shirk pour s'en écarter. Li'annahu, il annule tout et on doit faire des efforts fi tawhid. Qala rahimahullah la liyuqal fulan tarikun lil ma'asi bi nur al fiqh idh al ma'asi yuftanam yaftaqiru ijtinabaha ila ma'rifatiha wa yakun at tark khawfan min Allah la liyumdah bi tarkiha. L'imam Zahabi, كذلك, il précise que tout ce qu'on fait, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour les gens. Les gens aujourd'hui, ils parlent bien de toi, demain ils te critiqueront. Demain, une chose, Obama, il est plus d'accord, il te critique. C'est pas utile de satisfaire les gens. Là, satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui te sera utile. Fi dinik wa dunyak. قال فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. C'est ça la conclusion. Celui qui applique ce conseil de Taqi ibn Habib et sa définition de taqwa, inshallah, il fera partie de ceux qui ont réussi. Nassallah subhanahu wa ta'ala min fadlih.